Chaque jour, à chaque instant, tout recommence. Dans mon cœur, c'est à nouveau la folle ronde. Car l'amour, c'est mon soleil, mon espérance, la plus belle chose au monde. J'ai l'amour à fleur de cœur, rien l'enflamme. Un regard me fait chanter ou me déchirer. Je sais que je pourrais donner mon âme simplement pour un sourire. J'ai besoin d'un peu d'amour pour que chante ma guitare, pour oublier tout ce qui nous sépare. Nuit et jour, j'ai besoin d'un peu d'amour. J'ai besoin jour après jour de sentir une présence comme un enfant perdu et sans défense. Nuit et jour, j'ai besoin d'un peu d'amour. Sans amour, je ne suis rien, mon ciel se voile. Mon printemps a brusquement des airs d'automne. Et je crois que j'ai perdu ma bonne étoile. Que la chance m'abandonne. J'ai l'amour à fleur de cœur et rien en flamme. Un regard me fait chanter ou me déchirer. Et je sais que je pourrais donner mon âme simplement pour un sourire. J'ai besoin d'un peu d'amour pour que chante ma guitare, pour oublier tout ce qui nous sépare. Nuit et jour, j'ai besoin d'un peu d'amour. J'ai besoin jour après jour de sentir une présence comme un enfant perdu et sans défense. Nuit et jour, j'ai besoin d'un peu d'amour. J'ai besoin d'un peu d'amour pour que chante ma guitare, pour oublier tout ce qui nous sépare. Nuit et jour, j'ai besoin d'un peu d'amour. J'ai besoin jour après jour de sentir une présence comme un enfant perdu et sans